adaptation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous jusqu'à minuit. On commence avec une nouveauté qui nous vient du New Hampshire. C'est un trio de musiciens du New Hampshire. Le groupe a pour nom Rocking Horse Music Club. C'est sûr que c'est un trio, mais accompagné de plusieurs musiciens et aussi de musiciens invités. On y retrouve notamment John Hackett, David Cross, Lex King Crimson, Kate St. John, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, de Dream Academy, elle est au hautbois. Et il y a aussi Greg Hawkes de The Cars qui joue du saxophone sur ce disque, qui a pour titre Circus of Wire Dolls. C'est leur troisième album. En 2018, ils ont produit Every Change of Season. 2019, un album hommage à Anthony Phillips, le premier guitariste de Genesis. Le disque avait pour titre « Which Way the Wind Blows ». Et après, ben, on a un nouvel extrait de Samurai of Prague, « Anthem to the Phoenix Star ». Et après, Marc, on a aussi un extrait d'un autre membre de Samurai. Oui, en effet, on aura également un nouvel extrait du nouvel album de Raphaël Pacha et Kimo Porsti, l'album « Views from the Inner World ». On aura la pièce « Jubilation ». Et ce sera suivi de la formation américaine « Evership ». On a un troisième extrait de ce nouvel album, The Uncrowned King Act 2, qui va paraître le 14 octobre prochain. Et ce nouvel extrait, c'est The Law of Ages. Mais tout d'abord, comme vous le disiez, Michel, on débute avec la nouveauté de Rocking Horse Music Club. We'll be right back. I need the comfort, even if I can see the truth. Tell me what is true. It's been so long since I known it, but now I need to believe there's still beauty in this sun go up and down. see my life stop and start over again. wishing I cease to ride here where the road before divides. Staring in the eyes of fate, I'm overwhelmed, I've come too late. Tragedy brings hope through opportunity. CKRL. Salut, c'est Gab Bouchard. Je vous présente mon nouvel album, Graphene. Découvrez Graphene en magasin sur toutes les plateformes, dès maintenant. J'ai le goût de finir à la même place que toi. Finir à la même place que toi. Encore et toujours m'évanouir dans tes bras. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour la prochaine demi-heure, on aura deux nouveautés suédoises. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, mais c'est le cas. On aura dans un tout premier lieu Anima Morte, un groupe que j'aime beaucoup, hein, qu'on peut peut-être situer un peu dans la vague, là, dans la lignée de Goblin, la formation italienne, c'est-à-dire des groupes qui concoctent des véritables trames sonores de films. Dans le cas de Goblin, c'était surtout des films d'horreur. Anima Morte a 4 albums avec cette nouveauté là, qui a pour titre Serpents in the Fields of Sleep. Et c'est des bonnes nouvelles parce que le groupe n'avait pas donné signe de vie depuis 2014 avec Hoppin' Darkened Stains. Et on remarque la présence du batteur percussionniste Mathias Olsson comme invité sur ce disque. Et puis, autre nouveauté suédoise, Green Asphalt. C'est pas tout à fait récent, mais c'est quand même frais. Et c'est un groupe monté par un fan de Gentle Giant. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on sent le Gentle Giant dans cette pièce. Et après ça, Marc, on se dirige du côté de la France. Oui, en effet, c'est le premier album du batteur français Sylvain Goualeau, qui se présente sous le nom de Sylve, S-I-L-V, et le titre est « Dernière lumière avant la nuit ». Alors, il est mieux connu comme membre fondateur de Apéris, et également, il a été batteur pour Maldoror. On aura la pièce « Numérologie », et ce sera suivi de la formation norvégienne « Saluki », qui a été fondé à Oslo en 1976. Le premier album était paru en 1977 et le second paru en 2018. Amazing Games, on aura un extrait de cet album-là, la pièce Sit Beside the Fire. Mais on débute d'abord avec la formation Anima Morte. We'll be right back. I'm in the way. Excuse me if I interrupt. Excuse me if I do exist. Sorry if I'm being just myself. Excuse me if I paint the skies for you and it's in the way. Tell me, only don't pretend. Move me just a little bit. Shake me too as I am shaking you. I sit beside the fire and think of all that I have seen. Of meadow flowers and butterflies in summers that have been, of yellow leaves and gossamer in autumns that there were. Beside the fire and think of how the world will be. When winter comes without a spring that I shall ever see. So many things that I have never seen. Oh, that I've never seen. CKRL. Hier, en voulant prendre mon vélo, j'ai vu qu'il y avait une crevaison. Fait que j'ai pris rendez-vous avec Atelier Vélos. Atelier Vélos? C'est quoi ça? C'est un service d'entretien mécanique mobile pour les cyclistes des quartiers centraux. Pas besoin d'aller porter ton vélo à l'atelier, c'est le mécano qui se déplace. Il se déplace, hein? Ben c'est pratique, ça! Mais, hein? Puis si tu veux apprendre, Atelier Vélos offre aussi des formations en mécanique. Merci de m'en avoir parlé. J'aime ça apprendre, puis mon vélo a besoin d'une bonne mise au point. ateliervelos.com. Ça roule. Découvrez Fluide, le premier album du duo montréalais Eddie. Disponible sur toutes les plateformes d'écoute de musique en ligne et dans les magasins proches de chez vous. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet, on voulait vous aviser que dès la semaine prochaine, l'émission Terra Incognita sera présentée de 21h à 23h. Alors, pour entamer notre 19e saison, un petit changement à l'horaire. On sera avec vous donc une heure plus tôt qu'à l'habitude. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation des Pays-Bas Sky Architect qui faisait paraître en 2017 leur quatrième album Nomad. C'est leur plus récent. Et on aura la pièce Wasteland. On aura également deux nouveaux extraits de la nouveauté de la formation américaine Moon Letters. Et leur second album, Thank You From The Future, qui est paru au mois d'août. Alors, on aura les pièces Sudden Sun et Fate of the Alacorn. Et pour débuter, Michel, une formation de l'Argentine. Oui, il s'agit de Meret, une formation qui nous a présenté un tout premier album en avril 2022. Et c'est vraiment une belle réussite. Marc et moi, on est tombés en amour avec ce disque-là, qui s'intitule Ceremonias. Pour la petite histoire, Meret, c'est le nom d'une déesse de la mythologie égyptienne, la déesse qui est liée aux réjouissances, donc au chant et à la danse, et on comprend que ça convient très bien à ce disque ou à ce groupe. Une musique réjouissante, du bon prog classique, mais avec une petite touche moderne. Vraiment une belle découverte cette année. Ça va être probablement dans mes préférés, puis je pense que Marc aussi. Et on écoute la première pièce de cet album, Livy. We'll be right back. Of you, still I come. CKRL 89.1. Le 17 septembre, venez vous amuser avec nous. Et oui, la fête des moissons du Centre Monseigneur Marcoux en sera à sa deuxième édition. Dès 10h, venez nous rencontrer au Centre communautaire Monseigneur Marcoux pour faire la visite de votre centre communautaire. et assister à des démonstrations des activités qui seront à notre programmation cet automne. Jusqu'à 15h, rendez-vous au Parc Brady pour profiter d'une belle journée où animations, jeux gonflables, spectacles sur scène et offres alimentaires seront au rendez-vous. Le mini-marché solidaire du CMM permettra de vous procurer des fruits et légumes frais à prix abordable. Notez que l'achat de coupons directement sur le site sera nécessaire avant de commander au casse-croûte. Des kiosques de plusieurs partenaires du quartier seront également sur place afin de vous présenter leurs services. Nous vous attendons en grand nombre. Une invitation du Centre Monseigneur Marcoux et de montlimoilou.com, partenaire médiatique. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura deux formations italiennes. Il y aura la formation Mad Crayon, qui a été fondée dans les années 90. Ils avaient réalisé deux albums, un en 94 et un en 99. Ils étaient de retour en 2009 avec l'album Preda, donc 10 ans plus tard. Et finalement, leur plus récent album, Drop, s'est paru en 2020. On aura un extrait de l'album Preda, et c'est une pièce instrumentale intitulée Xoan. Et pour débuter, Michel, une jeune formation italienne. Oui, un groupe qui a été mis sur pied en 2018 par la guitariste Francesca Zanetta de Unreal City et le claviériste Niccolo Galani de Cellar Noise. Il y avait aussi Alessio Delben à la batterie, mais je pense qu'il a quitté le groupe, il est retourné à sa formation d'origine Caravaggio. Je sais qu'il a été question à un certain moment d'un second album, mais on souhaite que ça arrive et qu'il peut être aussi bon que le premier album qui a pour titre Il Velo di Riflessi, et c'est d'ailleurs un extrait de cet album qu'on va écouter, et c'est la pièce Figlio dell'Uomo. Thank you.

Pour conclure l'émission de ce soir, on vous présente un extrait d'un album concept paru en 2009. C'est une des nombreuses collaborations de Colossus et de Musea. L'album, c'est Purgatorio de Divine Comedy Part 2, un disque, un quadruple album réalisé avec la collaboration d'une trentaine de groupes, dont le groupe vénézuélien Equilibrio Vital, un groupe qui, bon, descend nouvelles depuis 2010. Un dernier album paru, là, c'était Ritorno. Et depuis, sans nouvelles, je présume que le groupe s'est séparé. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Je vous rappelle que la semaine prochaine, notre émission débute une heure plus tôt, donc c'est de 21h à 23h, alors que habituellement c'était de 22 à minuit. Merci d'avoir été des nôtres et restez à l'écoute. L'autoroute suit dans quelques instants. Et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. We'll be right back.

Faites vite, la saison débute le 19 septembre. Ben voyons, le monde est donc bien cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps.